Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Coups Humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et même à 23h. Cette semaine, Quand les champignons sortent du bois, une série de Céline Duchesnay réalisée par Laurent Polleret. Au départ de cette série, il y a la jubilation de trouver parmi les feuilles mortes un joli cep bedonnant au chapeau brun, l'odeur douceâtre des caves ou des sous-bois et la fascination pour ces créatures multicolores et multiformes aux propriétés infinies. Alors pour commencer, les personnages. Un cueilleur amusé, une chercheuse fascinée, des ramasseurs qui font le guide, un biologiste aux aguets, un mycologue admiratif et le conservateur du fongarium. Ensuite, le décor, des associations, un coup de foudre, la symbiose, l'invisible des vies souterraines, des spores, des filaments, du crottin, le muséum d'histoire naturelle, des congélateurs et des champignons sous-marins. Aujourd'hui, premier épisode, on est dans la forêt. D'où sortent-ils ? Il y a 8 jours, le sol de la forêt n'était couvert que de la grisaille bruissante de ses feuilles mortes. Et puis, une grosse pluie chaude est venue qu'on n'osait plus attendre. Ce n'était plus l'été. De la terre encore chaude monte une moiteur saisissante, comme si l'air était plein de sève. Mais ce n'est pas la sève du printemps, avec son explosion de chlorophylle et de fleurs, mais celle de l'autre règne, la sève incolore et capricieuse élaborée par les mycéliums réveillés et qui pénètre toute la terre vivante de son parfum unique. Comme ils sont pressés, les champignons, ils semblent savoir que le temps est court. Ils se hâtent. Les plus petits sont les plus pressés. Quelques jours plus tard, on voit poindre un peu partout des seigneurs de la plus haute importance. Ce sont les amanites. Bientôt, ce seront les cèpes, les beiges, les bruns, les acajous et les noirs. On ne les voit jamais venir tant leur croissance est rapide. Après eux, c'est l'explosion de tout le reste. La plus belle rencontre que j'ai faite avec un champignon, c'était à une fin de journée. On n'avait rien trouvé ou pratiquement rien. Et il y avait un magnifique cèpe énorme. Xavier Mauméjean. Il était là, comme s'il nous attendait. Et on aurait dit qu'il avait mis un point d'honneur à ressembler à un dessin de champignon. C'est un champignon parfait, sans défaut, sans accident, etc. Comme une plaisanterie de champignon. Et bon, on l'a pris parce qu'on ne peut pas ne pas prendre un champignon, mais on aurait dit un faux champignon. Donc, sa volonté d'être un champignon tellement vrai, il en paraissait fou. Je pense que c'est un petit bruté, mais il m'en dérange quand même. J'ai toujours été intéressée par les champignons. Et puis, au cours de mes études, tout cet aspect microscopique m'a fascinée. Joël Dupont. Ça, j'avoue que ce monde qui grouille et qu'on ne voit pas m'a vraiment fascinée. Et ça a été le déclencheur du choix de mes études. Et j'ai voulu essayer de comprendre ce qui se passait dans ce monde microscopique qu'on ne voit pas. Ça me fascine. Et puis, évidemment, toutes les aptitudes qu'il y a derrière. On ne va pas se contenter seulement de jolies choses, mais ils sont effectivement extrêmement utiles à tout point de vue, dans la nature, dans l'alimentation, bien sûr. Mais ce sont des organismes assez fascinants. Les mousserons. Ben oui, sur bois. Ouais. Là. Tout petit, j'étais attiré par la forêt, ça c'est certain. De temps en temps, je ramenais des champignons à la maison et mes parents ne voulaient pas les prendre parce que ils avaient peur et puis ils avaient entièrement raison. Alain Champagne. Et mais ça m'intriguait parce que quand je revenais, je ne savais pas les noms et ça m'agaçait un peu. Et un jour, je suis rentré dans une exposition et j'ai vu des centaines de champignons. Et j'étais frappé par la diversité, les couleurs et je voulais tout apprendre, je voulais tout savoir. Ça demande des années parce que c'est une science qui est très complexe, qui demande beaucoup de maîtrise, d'observation. Et il faut faire attention à ce que l'on dit et il faut vraiment être très prudent parce que les espèces se ressemblent énormément. Et ça a été un coup de foudre, mais terrible, foudroyant. Mon intérêt pour les champignons est né récemment par le biais de la critique féministe des sciences et de la pensée queer, grâce à Olga Poto, qui est doctorante en philosophie. J'ai découvert à son contact que les champignons pouvaient ouvrir des champs de réflexion incroyables, alors qu'ils avaient été bien négligés jusqu'à présent. N'intéressaient pas ou peu les biologistes du 19e siècle, qui eux étaient passionnés par l'idée de progrès, de rapport dominant-dominé, du conflit comme source fondamentale et naturelle de l'évolution. Pas facile de classer ou de situer les champignons qui, pour la plupart, vivent en symbiose, une forme d'échange, de compagnonnage avec d'autres organismes. Mais dans les années 70, des biologistes féministes comme Lynn Margulis, puis plus tard la philosophe et biologiste Donna Haraway, se sont penchées sur le principe de symbiose, d'un point de vue aussi bien scientifique que philosophique. À quoi ressemblerait aujourd'hui notre planète si les êtres humains s'étaient davantage intéressés à des formes d'existence différentes, axées sur le mutualisme plutôt que sur le conflit ? Mais avant de savoir comment les champignons peuvent nous faire réfléchir à une autre manière d'être au monde, il s'agit de découvrir précisément qui ils sont et à quoi ressemble le règne fongique, qui, aux dernières estimations, comporterait plus de 30 millions d'espèces, dont seul un très faible pourcentage est à ce jour connu. Le marasme des oréades. L'hygrophore perroquet. La volvaire gluante. Le coprin plissé. Le clitocype du bord des routes. La veste de loup géante. La flammule glutineuse. La Périgueux est là, nous sommes là, là, pardon. Guillaume Essartier, nous sommes devant une carte de la forêt dans laquelle nous nous trouvons. Alors, où sommes-nous exactement ? Bien, nous sommes dans la forêt domaniale de Lan-Marie, en Dordogne, dans le département de la Dordogne, à une dizaine de kilomètres au nord-est de Périgueux, et qui a la particularité d'avoir des peuplements à la fois de feuillus et de conifères, et des essences intéressantes que l'on ne trouve pas partout. Et des champignons ? Il y en a partout sur les arbres, notamment les lichens sont des champignons au sens strict, hein, qui, même s'ils sont associés avec des algues ou des cyanobactéries, ce sont des champignons au sens strict. Au même titre que les champignons qui sont sous le sol sont associés avec des végétaux supérieurs, mais sont des champignons au sens strict aussi. Et si on se promène un petit peu, il suffit de soulever un bois mort pour trouver des champignons. On pourrait faire l'expérience ensemble. Si on va n'importe où, il faut trouver des troncs ou des morceaux de bois d'assez gros diamètre, et on va trouver tout de suite, voilà, il suffit de ramasser. Cette branche-là est couverte de champignons. Vous voyez, ces plaques noires que l'on voit ici sont des champignons, qui sont dits des champignons érimpants parce qu'ils font éclater l'écorce. Vous voyez, l'écorce pèle ce qui pousse là-dessus. Et si c'était un peu plus humide que ça n'est aujourd'hui, vous verrez d'autres champignons qui sont actuellement en croûte très appliquée sur le bois mort et qui se gorgent d'eau lorsque l'humidité atmosphérique est suffisante et qui deviennent apparents. Donc, mais les champignons sont absolument partout, et dans une forêt telle que celle-ci, une forêt domaniale de plaine, on peut trouver plusieurs milliers d'espèces sans aucun problème de champignons. En une sortie, c'est absolument considérable. Et ce ne sont pas que les champignons tels qu'on les imagine, avec leur petit chapeau et leurs pieds. Non, pas du tout. Déjà, le petit chapeau et le pied, c'est une vision très réduite du monde des champignons, puisqu'ils peuvent prendre absolument toutes les formes, y compris des formes que nous n'imaginons pas, hein, on en trouve régulièrement. Et ensuite, pour les mycologues, les champignons ne se résument pas à un pied, un chapeau, évidemment. On ramasse absolument tout ce qui ressemble à des champignons de près ou de loin, et lorsqu'ils sont microscopiques, on est obligé de les identifier au microscope, et même parfois à l'aide de techniques génétiques. Mais on est obligé de les soumettre à une analyse génétique approfondie pour pouvoir les identifier avec des bases de données qui sont en train de se constituer. Évidemment, pour l'amateur de champignons, le champignon, c'est un champignon charnu avec un pied et un chapeau, souvent des lames dessous, ou bien des tubes, comme c'est le cas pour les cèpes et les bolets, par exemple. Mais pour le biologiste que je suis, le champignon, comme je vous le disais, il est souterrain, il est essentiellement souterrain, et il produit, lorsque les conditions sont favorables, à la surface du sol, ce que les mycologues appellent le carpophore, c'est-à-dire c'est cette fructification éphémère qui sert uniquement à produire les spores à certaines périodes de l'année. Les spores germent en donnant des filaments, qu'on appelle l'if. L'if est l'élément fondamental du règne fongique. Voilà. Donc le champignon tel qu'on a l'habitude de le voir ou de le concevoir C'est le fruit, c'est un fruit. Exactement. On a cette image souvent, c'est qu'on imagine que comme on cueille une pomme sur un pommier, eh bien on cueille un champignon sur le mycélium, sur un pommier souterrain, si vous voulez. Le pommier serait souterrain et il donnerait des pommes à la surface du sol. C'est à peu près la même chose. Guillaume Essertier, pendant longtemps, on n'a pas su comment classer les champignons. Ils ont été mis du côté des végétaux, parfois du côté animal. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette histoire ? Oui, disons que c'est une tradition européenne de classer les champignons avec les plantes. Tous les champignons sont immobiles, à peu de choses près, bien qu'ils n'aient pas finalement beaucoup de caractéristiques des plantes, puisqu'ils ne sont pas verts, donc ils ne possèdent pas de chlorophylle, ils ne sont pas capables de fabriquer eux-mêmes leur propre matière organique. Mais aujourd'hui, bien qu'on voit encore marqué dans des dictionnaires d'éditions récentes que les champignons sont des cryptogames non vasculaires, ce qui ramène à peu près au XVIIIe siècle, hein, on sait depuis la fin des années 60 que les champignons ne sont pas du tout des végétaux, qu'ils sont plus proches des animaux, biologiquement parlant, que des plantes, et ils forment un règne à part qu'on appelle aujourd'hui le règne fongique. Pourquoi est-ce qu'ils sont plus proches des animaux ? Ils ont les mêmes substances de réserve que les animaux. Chez les végétaux, vous savez que c'est l'amidon. Chez les animaux et les champignons, c'est un autre sucre qui n'est pas de l'amidon. La paroi de leurs cellules est constituée des mêmes molécules que l'on retrouve, par exemple, dans la carapace des arthropodes, des insectes. On ne retrouve pas du tout ces molécules dans les parois végétales, etc., etc. Enfin, ils ont tout un tas. Ils fabriquent certains acides aminés que ne savent pas fabriquer les végétaux. Enfin, voilà, il y a tout un tas de données biochimiques qui indiquent qu'ils sont beaucoup plus proches des animaux que des végétaux. Mais ce ne sont pas pour autant des animaux. Ils sont vraiment un groupe à part. Ils sont vraiment à part. Il faut oublier la dichotomie traditionnelle entre les plantes et les animaux. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il y a plusieurs règnes, entre 5 et 7 règnes. Par exemple, vous comparez une laitue et un lapin. Bart Buick. C'est impossible de dire, impossible de répondre d'un point de vue morphologique, mais il n'y a rien. Le lapin, il bouge, la laitue ne bouge pas, il y a des feuilles de la laitue. Le lapin, à la limite, va manger la laitue, mais autrement, il n'y a pas de sang, il n'y a pas de poils, il n'y a pas d'oreilles. Donc, impossible. Si on fait de la biologie moléculaire, alors là, on prend par exemple un gène qu'on appelle le 18S, qui a été au début très utilisé pour étudier les différents groupes d'organismes vivants. Ben, 75% de la laitue et du lapin sont identiques. Donc ils sont très similaires finalement. Alors vous imaginez, entre un champignon et un lapin, ça va être encore davantage, parce que les champignons sont encore plus proches des animaux. Et par exemple, une des choses qu'on peut citer, c'est la chitine. On trouve la chitine dans les insectes, c'est ce qui fait la carapace des insectes ou des crabes, etc. C'est de la chitine. Ben, les champignons, ce qui fait ou constitue les parois des cellules des champignons, c'est de la chitine aussi. C'est pas de la cellulose comme les arbres ou les végétaux en général. Si vous rencontrez un jour dans un bois un homme bizarrement harnaché et porteur de sacs et de paniers qui erre de tous côtés en explorant les bois pourris, les revers de fossés et les crottins de printemps, n'hésitez pas à le reconnaître. C'est un mycologue en quête d'espèces rares. Il trouve des champignons où personne n'en voit et ne s'intéresse qu'à ceux dont personne ne veut. Il est amateur d'amadou, de moisissures, de minables excroissances sur le bois tombé et de taches sur les feuilles. Il pourrait, comme un autre, rapporter des cèpes ou des chanterelles. Non. Il n'en mange jamais pour en avoir trop vu, et l'inutile est sa seule pâture. Vous pouvez cependant l'aborder sans crainte. Il vous répondra de façon humaine et vous donnera tous les renseignements que vous voudrez, même sur la comestibilité de votre récolte. Mais voyez-vous, il est au cœur d'un monde dont vous effleurez à peine le contour. Sorti avec la société mycologique Ferréo-Pontaine. Ah, on dirait que c'est une tête de... Alors, vous connaissez les champignons ? C'est pas Satanas ? C'est un Satanas, oui. Voilà. On va voir son grand frère. On voit bien les pores rouges. Hein. Les pores qui sont rouges. Donc tous les bolets à pores rouges, eh ben, il faut se méfier parce que c'est toujours un petit peu dangereux. Mais disons que pour les gens qui ne le connaissent pas, il faut toujours se méfier quand les tubes, quand les pores sont rouges. Parce qu'il y a le danger, il y a le Satan, mais il n'y a pas que le bolet de Satan. C'est lequel, celui-là, là ? Kelletti. Bonnet de Kellet. Oui, il est un peu velouté. Alors, si c'était un érythropus, il serait beaucoup plus marron, hein, plus foncé. Mm-hmm. Et puis, on aurait des ponctuations rouges, très très serrées sur le pied. Le pied apparaît très rouge. Hein. Et on dit toujours dans Kellet, la base, elle est rouge betterave. Hein. Bon, c'est pas un seul caractère. Mais... Voilà. Et à côté... Celui-là, il bleuille aussi, si on le trouve. Ouais, il bleuille aussi. Ouais. Oh. Et à côté du bonnet de Satan, bah, il y avait ça, tu vois. Un jeune Ereus, hein, bonnet Ereus, quoi. Pour moi, le meilleur de tous les bonnets. Mais il n'y en avait qu'un et il était tout petit comme ça. Forêt de Sénard. Hein. Alors attends, oh là là, attends, on m'a trouvé un magnifique champignon. Ah. Attends. Ça m'intéresse. Il est mignon. Superbe. Alors la famille, vous connaissez peut-être? Niveus. C'est un petit coprin, oui. Une tête de Coprinus Niveus. Alors Niveus, effectivement, bon, ça ne va pas être Niveus, parce que Niveus, il pousse sur fumier, hein, sur excrément. Oui. Bon, c'était. Il y avait des crottins de cheval? Ah! Alors, s'il y avait du crottin. Il était sur le crottin de cheval ou juste à côté? Dessus! Okay. Très bien! On est dans ce groupe-là. Il est tout petit. Il est blanc. Qui s'appelle Pseudoniveus, variété Tinuis cistiliatus. Vous nous amenez là? Le résultat de votre cueillette de ce week-end, monsieur? Il y a plusieurs cueillettes, là. Forêt de Mardi, Ben. Oh, ben, on essaie de trouver des espèces intéressantes. Denis Challange, vous êtes vice-président de la Société mycologique de France, donc qui est la plus ancienne société mycologique au monde. Elle a été créée en 1884. Alors j'aimerais qu'on fasse un petit tour dans les locaux et que vous nous décriviez un petit peu l'endroit où on est. Déjà, il y a une odeur particulière, je trouve. Hein, quand vous rentrez, vous sentez un petit peu la forêt. La forêt à l'intérieur des murs de Paris. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des rangées de tables avec des assiettes. Posées dans les assiettes, des champignons, énormément de posters de champignons sur les murs, des livres. Voilà, donc... Comment organiser l'espace? Donc voilà, donc ici, là, tout le bas, là, donc, c'est une salle d'exposition, donc plus ou moins, disons, réservée à nos membres. Évidemment, n'importe qui peut entrer en demandant la permission de faire un tour et puis de voir, de s'intéresser à nos activités. Hein. Nos activités, ben, c'est principalement des sorties guidées sur le terrain. Et donc les gens sortent, comme on l'a vu tout à l'heure, et puis ils ramènent leurs champignons. Souvent, c'est en disant, ben, je ne sais pas ce que c'est, est-ce que quelqu'un peut me donner son avis sur ce champignon? Donc voilà, donc tous les lundis après-midi, on a cette exposition de champignons. Donc les champignons sont classés par famille, hein, par genre, et puis à l'intérieur des genres, on donne des espèces de champignons. Hein, c'est un peu comme la botanique ou comme l'étude de la faune, hein, où on a des grands genres, et à l'intérieur de ces genres, eh bien, on a des espèces. Alors justement, quand on a un champignon entre les mains, quel est le processus pour pouvoir l'identifier? Donc ici, c'est un champignon avec un pied, avec des lamelles sous le chapeau, avec un joli chapeau rouge. Et donc ça, ces champignons, ces russules avec des chapeaux rouges, il y en a environ 50 ou 60 différents. Et donc c'est ce qui fait peur à la plupart des mycologues, parce que des russules rouges comme ça, c'est pas facile à déterminer. On a des produits chimiques qui nous aident à faire des réactions, et en fonction des réactions, bon, ça nous écrit pas le nom des champignons, mais ça nous donne une voie, ça nous permet de trier et d'arriver à la détermination de l'espèce. Alors pour déterminer l'espèce, eh bien on va regarder... La couleur des lamelles, là on voit qu'elles sont blanches. Hein. Là le champignon il est adulte déjà, hein. On voit que c'est un champignon qui est déjà mature. Donc les lames sont blanches, et vous voyez que dans la même famille, il y en a d'autres qui ont des lamelles ici jaunes par exemple. Là c'est notre russule par exemple. Au départ les lames étaient blanches et elles sont arrivées jaunes. C'est parce que les spores, c'est-à-dire les graines du champignon, se forment à l'intérieur des lamelles, sur les lamelles. Et donc ici on peut dire que les spores sont jaunes, et ici elles sont blanches. Les deux champignons sont adultes, un Comment petit peu moins jaunes. Plus jeunes d'ailleurs. Eh bien, ça forme. Parce que la nature est bien faite. Et les champignons, quand ils poussent, ils sont comme ça. Ils sont complètement fermés. Pourquoi? Avec le chapeau qui retombe un peu sur le pied. Qui se referme un petit peu. Hein. Donc il sort de terre comme ça, il pousse la terre. Là, c'est l'organe reproducteur qui est en dessous, les lamelles. Donc il les protège un maximum. Comme il referme ses bords, elles sont cachées. Et donc... Elles vont sortir, la terre ne va pas se mettre dessous, parce que la terre elle va rester sur le chapeau. Là. Si on gratte, on en voit, il y a des petits bouts de terre qui sont dessus, hein, c'est tout granuleux. Là. Il va préserver ce qu'on appelle l'hyménium, c'est-à-dire la partie fertile. ce qui va donner ses bébés. Donc il faut protéger cet endroit-là. Et puis le champignon, quand il va grossir, il va devenir plat. Et à la fin, même, il va devenir comme celui-là. C'est-à-dire que les bords, ils vont se remonter vers le haut. Et bien pourquoi ? Bah parce que là, le champignon, il est bien mûr. Les lamelles ont déjà produit des spores, hein, on l'a dit, puisqu'il est mature, ce champignon. Donc les lamelles ont produit des spores. Et en prenant cette position-là, eh bien les spores vont être disséminés par le vent. Alors que s'ils restaient fermés comme ça, eh bien le vent, il aurait du mal à pousser les spores pour les refaire germer à quelques kilomètres peut-être. Justement, de voir les spores au microscope peut vous permettre de définir mieux le champignon. Est-ce que ça fait partie du processus pour le reconnaître ? Alors, ça fait partie du processus, effectivement. Donc, on a des caractères, ce qu'on appelle macroscopiques, c'est-à-dire à la macroscopie, à l'œil, on voit la couleur, évidemment. On va goûter pour voir si le champignon est doux ou âcre, par exemple. Et puis, un autre caractère, c'est l'odeur. Après, il y a l'étude microscopique qui se fait au niveau donc du laboratoire, si on peut dire, à la maison, quoi, avec des prélèvements différents qui vont se faire. Donc on va faire un prélèvement sur les lamelles où on va trouver les spores du champignon, quand le champignon est mature, quoi. Et là, on va trouver des spores du champignon et d'autres éléments aussi stériles qui peuvent être intéressants. On va faire un prélèvement aussi sur le pied. Et si avec tout ça on n'arrive pas, on fait encore un prélèvement sur le dessus, ce qu'on appelle la cuticule, c'est-à-dire la petite peau qu'il y a sur le chapeau, voilà, qui est colorée, voilà, qui est rose. Voilà. On va noter ce qu'on a trouvé, on va dessiner ce qu'on a vu, hein, et après on a des ouvrages de référence qui vont nous permettre de déterminer à l'aide des caractères macroscopiques et microscopiques qu'on a pu trouver. Pourquoi est-ce que les mycologues ne mangent plus de champignons au bout d'un moment ? J'ai pas envie, hein, j'ai pas envie d'en manger. Si, bah quand je trouve des cèpes, des beaux cèpes, je les ramène. Quand on a un beau cèpe comme le petit qu'on voit en bas, là, celui-là, là, voilà, le petit avec un pied bien rond, là, tout, là, voilà, ça fait, quand c'est tout jeune comme ça, ça donne envie, ça. Voilà. Alors quand ils sont gros comme ça, je les prends pas, c'est moins bon. Hein, il faut les prendre jeunes. Alors comme ça c'est bon. Roland Sabatier. Parce que le but du mycologue, c'est donc pas de manger l'objet de son étude. Le but des mycologues du samedi, qui faisaient leur exposition le lundi, qu'ils la font toujours d'ailleurs, c'est dans un souci d'inventaire, de classification, de savoir tout ce qui pousse. On est encore dans la découverte du monde, on est dans le 18e, 19e siècle. Et c'est de savoir tout ce qui pousse, ce qui peut pousser ici, ce qu'on peut rencontrer, et de savoir, parce que c'est quand même le grand moteur, de savoir si telle espèce, une fois identifiée, était comestible ou pas. C'était quand même le grand but. Mais il se trouve qu'on est amené à se rendre compte que l'immense majorité des champignons n'est pas comestible, qu'il n'est pas souhaitable d'en manger, qu'il y en a très peu qui valent la peine gustativement de la cueillette. Et puis ceux-là, et ben, ma foi, ils sont bien connus des gens, et plus on regarde, plus on se penche là-dessus, plus on trouve de sosies, de faux amis, qui font qu'il y a toujours un toxique qui n'est pas tellement éloigné. Donc que la sagesse populaire qui mange des cèpes et des girolles a bien raison, que les morilles, il faut déjà prendre des précautions, que les giromitres, qui étaient un plat traditionnel en montagne, en Savoie en particulier, l'omelette aux giromitres, on la servait partout. Maintenant, l'omelette aux giromitres, on vous dit qu'elle est mortelle. Donc, il y a plein de bonnes raisons, ou de mauvaises d'ailleurs, de déconseiller la consommation des champignons en général, quoi. Et le champignon, donc, est plutôt un condiment qu'un aliment, de toute façon. La valeur nutritive, c'est plutôt l'huile d'olive et la graisse d'oie qu'on met avec. La manite panthère, la manite tumouche, la manite phalloïde, la manite rougissante, le cortinaire pailleté, l'antolum livide, l'inocybe à spores étoilées. Direction Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris, dans le bâtiment de Cryptogamie. Bardwick, est-ce que vous pourriez nous décrire la pièce où on est ? Qu'est-ce qu'on voit exactement ? Ben, on voit des compacts, c'est un système qui se déplace. Avant, on avait aussi on avait des armoires métalliques fermées à l'époque. Alors, en ouvrant, il y avait de tout et de rien là-dedans. Il n'y avait pas d'ordre, il n'y avait rien. Maintenant, dans les compactus, on trouve donc, je ne sais pas combien de petits casiers. Dans chaque case, maintenant, il y a des spécimens de champignons, mais cette fois-ci bien rangés. Donc, on peut dire, Bart Bouyck, que vous êtes un peu le gardien des champignons du muséum, conservateur de l'herbier des champignons. Oui, en fait, mon titre officiel, c'est conservateur de l'herbier de champignons ou du fungarium, parce que ça, c'est le nouveau terme qu'on utilise, ça nous est venu du Canada, le fungarium pour s'opposer à l'herbier. Je suis le responsable, mais aussi le seul à m'en occuper. Donc, ça fait un peu beaucoup pour une seule personne. Quelles sont les personnes, Bart Bouyck, qui viennent vous voir et qui ont besoin de l'herbier? C'est quel profil? Ce sont des scientifiques? Ce sont des étudiants? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Les personnes qui viennent étudier, parce que c'est quand même, ils viennent ici pour étudier des champignons et nos collections, c'est en général des scientifiques ou des étudiants qui font des travaux dans le cadre de leur thèse, doctorat, qui ont besoin de vérifier des spécimens. Ce qui fait qu'on a beaucoup de visiteurs cette fois-ci, des gens et des étudiants qui viennent ici pour étudier donc au microscope nos spécimens et qui parfois aussi peuvent prélever pour plus tard faire chez eux des travaux de biologie moléculaire. Est-ce que par exemple, par rapport aux collections qui sont ici, vous pourriez nous en montrer une très ancienne? Oui, ben j'en ai beaucoup, hein. Les collections, attends, regardons ici. Oui, pour les collections anciennes, par exemple, ici, là, il y a toute une série de noms. Il y a par exemple Demazière. On va ouvrir et puis je vais vous montrer parce que là, vous allez comprendre. Maintenant, quand on récolte des champignons, on les récolte dans des sachets parce que ça se conserve bien quand c'est sec, parce qu'il faut savoir, les champignons, on les conserve secs. À l'époque, c'était pas toujours vrai. Pendant une certaine période, on a préféré les conserver dans l'alcool ou même dans le formol. Alors, après quelques décennies, c'est inutilisable et inexploitable pour une étude microscopique, par exemple. Alors, un champignon sec, ça se remet dans un état parfait quand on veut faire de la microscopie en humidifiant, en utilisant certains réactifs. Et on peut donc vraiment étudier, regarder les réactions avec des réactifs divers, etc., sans avoir vraiment beaucoup perdu par rapport à l'échantillon frais. Mais à l'époque, les toutes vieilles collections de champignons étaient mises ensemble dans des cahiers, un peu comme on ferait avec des plantes. Je vais remettre ça. Et voilà, la boîte est de nouveau à sa place. On va ouvrir les compactus. Là, il y a un peu plus de 26 000 sachets, je crois, ici, de l'herbier romagnési. Henri Romagnési, qui est un herbier très important pour tout ce qui est champignons, chapeau sur un pied. Donc, toutes les sociétés mycologiques connaissent, étudient les espèces de Romagnési. À l'époque, moi, j'allais le chercher chez lui à la maison. Il habitait dans le 12e. Et donc, j'allais chez lui parce que tout ça se trouvait dans des armoires, dans la chambre à coucher, une partie dans la cuisine, une partie... Tout son appartement était des boîtes avec des petits sachets de champignons. Alors, vous voyez ici des noms, des cortinaires, des antholomes, des clitocybes, des ébellomes, des lactaires, des psatyrelles. Et donc, tout des boîtes avec des spécimens. Alors, quand on ouvre une boîte, on voit à l'intérieur, donc maintenant nous on a tout mis en sachet, mais en fait chez lui à l'époque c'était juste des feuilles pliées à l'intérieur desquelles on a donc des champignons. Et donc quand on regarde, ben on voit ici Hygrophorus caprinus, récolté le 27 août 1979 dans un eau marais sous Piscia et Bétula, dans les marais de Bonnevaux, dans le Doubs. Alors là, on ouvre le sachet numéro 95. Et donc à l'intérieur, on a un champignon complètement sec. Il y a plusieurs spécimens, plus jeunes, deux qui sont plus âgés, avec un chapeau un peu brunâtre. On voit très bien les lames. La forme que le champignon avait sur le frais dans la nature, il a été perdu. Mais par contre, donc les cellules, même après toutes ces années, les cellules reprennent plus ou moins leur forme d'origine quand ils étaient frais. Et même pour les gros champignons, donc que ce soit un cèpe, une morille, etc., quand on les étudie, les regarder, ça aide bien sûr. Mais pour mettre un nom et pour être sûr qu'on détermine correctement un champignon, on fait des préparations microscopiques. Et on regarde, moi, normalement, je regarde à 1000 fois. Donc l'objectif à 100 et l'oculaire à 10. Donc ça fait un agrandissement de 1000 fois. Et là, on commence enfin à découvrir les structures importantes qui permettent d'identifier un champignon correctement. Nous voilà au laboratoire et donc avec nos outils de travail hein, qui sont en particulier la loupe, le microscope. On va regarder un petit peu ce champignon qui se développe sur l'amande. Joël Dupont. Pour voir vraiment le détail de ces structures. Nous y sommes. Et donc ce que je vois, je vois beaucoup de choses. Des petites boules jaunes au fond, il y a un mycélium orange cette fois-ci. Des petites boules jaunes et puis des petits pompons bleus un petit peu partout. Alors, du mycélium qui sont des petits filaments de 3 microns de diamètre. Il y a à la fois des petits pompons qui correspondent à l'eurotium, hein, aux champignons xérophiles qui se développent sur les amandes. Et puis, il y a des petits duvets bleu-gris. Qui sont plutôt un pénicillium, je pense. Il y a donc deux champignons sur ma petite amande. Et ce mycélium, à partir de ce mycélium, se sont développées des petites structures particulières, des cellules particulières, qui vont former les différents types de spores, qui font à peu près 4 microns. Hein. Donc c'est vraiment de toutes petites structures. Et c'est par la voie des spores hein, que le champignon va être dispersé et va pouvoir se redévelopper sur un substrat neuf, où il y a de quoi manger, quoi. Pour un grand nombre d'espèces, il faudra qu'une spore mâle se trouve à proximité d'une spore femelle pour que les deux petits mycéliums primitifs, qu'on appelle les aplontes, se rencontrent et s'épousent pour la vie. Bien humbles amours, mais aussi romanesques que les nôtres, si l'on songe au nombre prodigieux de malheureux aplontes qui mourront célibataires sans que le vent ait apporté près d'eux l'âme sœur qu'ils attendent. Les spores se forment, tantôt à l'intérieur de sacs allongés qu'on appelle des asques, comme chez les morilles, dont elles sont violemment expulsées à la maturité par un mécanisme très ingénieux. Tantôt, elles se forment par deux ou quatre, à l'extrémité de bâtonnets qu'on appelle des basides, d'où elles tombent au moment venu pour courir leur aventure. Donc là, Joël Dupont, on est au pied du muséum. Oui, et on va entrer par le sous-sol où sont en fait une partie des collections et puis une partie des labos aussi. On a réservé les bureaux dans les étages et mis tout ce qui était labo et tout ce qui est conservation au sous-sol. Et donc notre salle de collection est ici. C'est une salle climatisée et on a tous nos congélateurs à moins 80. Contiennent à la fois les moisissures hein, dont je m'occupe, mais aussi des cyanobactéries, des petits échantillons de plantes aussi, je pense. Ces congélateurs vont contenir des petites boîtes, en fait, et des petits tubes de 2 mm à peu près, qui contiennent, pour ce qui est des champignons, qui contiennent des spores de champignons dans un mélange cryoprotecteur, qui va protéger les parois des spores du gel au cours de la manip. Et donc ces petits champignons, ces petits tubes, on a 5000 souches dans ces congélateurs et donc on peut ressortir ces petits tubes et remettre en culture et le champignon va repartir. Donc là on va se diriger vers la salle des containers d'azote liquide qui est le deuxième moyen de conservation de nos souches de champignons microscopiques. Et qui est à plus longue durée, en fait, hein, parce que la congélation en azote liquide, c'est à moins 196. Et donc, c'est une sauvegarde longue durée pour nos petits champignons. Donc voici la salle de l'azote liquide. Donc évidemment, vous voyez les vapeurs d'azote qui se dégagent. C'est le même principe, hein. Vous avez des petites boîtes qui contiennent des cryotubes encore, hein, les mêmes qu'à moins 80, mais on met que 2 cryotubes par souche pour la longue durée en azote. Dans ces petits tubes, on a essentiellement les spores du champignon, c'est-à-dire les petites graines, hein, ce qui va permettre de le reproduire. Et ces spores sont de formes et de tailles diverses, mais souvent de l'ordre de 5 microns, donc c'est effectivement très petit. Et elles sont mises en suspension dans une solution d'eau plus glycérol, le glycérol servant à protéger la paroi des spores contre les cristaux de glace qui vont se former au moment de la congélation. Joël Dupont, contrairement à la collection de champignons qui est conservée dans l'herbier, aux étages supérieurs, l'intérêt de cette collection, c'est qu'elle est aussi vivante. Oui, c'est une collection vivante et ça, c'est un énorme avantage parce qu'on peut ressortir ces souches, faire toutes les études que l'on souhaite, y compris de la génomique. Maintenant, c'est une des méthodes les plus appliquées, génomique, chimie, etc., et faire des expériences sur ces champignons. Et on les conserve à moins 80 et dans l'azote liquide pour éviter qu'ils ne dégénèrent, en fait, qu'il y ait une dérive génétique à force de les repiquer. Parce qu'au fur et à mesure qu'on les réensemence, qu'on les recultive, des mutations peuvent apparaître et faire dégénérer le champignon. Donc ces moyens de conservation longue durée permettent de le maintenir à l'état original ou quasi-original. Je sélectionne les espèces que nous n'avons pas, ou alors je crée des populations de différentes souches pour une même espèce, pour des études de génétique par exemple, donc voilà la stratégie. Et je privilégie aussi des habitats particuliers, comme le fromage, comme les grottes ornées, et donc voilà un petit peu nos grands axes d'enrichissement pour le moment. Les grottes ornées, c'est parce que les parois des grottes sont recouvertes par des champignons ? Évidemment, ça peut poser des problèmes, notamment sur les peintures. Évidemment, hein, que les champignons peuvent dégrader les pigments en particulier, et donc c'est embêtant, c'est sûr. Et dans ces cas-là, le fait de connaître la nature de ce champignon vous permet de lutter contre leur propagation ? Lutter contre la propagation, oui, et surtout trouver l'origine. Savoir s'ils viennent du sol extérieur ou s'ils sont spécifiques de l'environnement de la grotte ornée, qui sont souvent des environnements à 12-15 degrés. Donc il y a des champignons très particuliers dedans, hein, des champignons qui tolèrent des basses températures. Au muséum, il y a beaucoup d'expéditions océanographiques. Et les océanographes m'ont dit un jour, il faut que tu viennes avec nous parce qu'il y a des champignons au fond de la mer, sur les bois qui coulent dans les fosses profondes au fond de la mer. Des bateaux, par exemple, ou Des bateaux ou des troncs qui sont apportés lors des cyclones, etc., qui vont flotter un moment et qui finalement tombent au fond de la mer et garnissent le fond de ces grandes fosses. Et donc, eux, ils vont récupérer ces bois coulés pour étudier la faune. Alors, les petites moules, tous les organismes qui dégradent le bois. Et donc, ils ont observé des petites choses qui ressemblaient à des champignons. Donc, ils m'ont emmené. Et j'y croyais pas trop. Je me disais, non, ce sont des champignons qui étaient sur le bois terrestre, enfin, au moment où il a été déraciné et qui survivent au fond de la mer, mais... Et donc, on a effectivement découvert ces petits champignons alors, qui ressemblaient comme à des toutes petites éponges, mais ça faisait 3 mm. Mais tout ça semblait grégaire, très grégaire sur les bois coulés. Et puis, ou d'autres noirs avec des longs cols. Enfin, c'était assez impressionnant, assez joli. Et donc, on a prélevé ces champignons et ces bouts de bois, hein, ces écorces qu'on a ramenées au labo. Évidemment, je n'ai pas pu les cultiver parce qu'il y a une telle différence de pression entre le fond de la mer et nos labos que je pense que le champignon meurt lorsqu'on le remonte, en fait, dans les chaluts. Mais j'ai pu les observer en particulier, j'ai pu faire des extractions d'ADN et les identifier. Et puis, faire des observations au microscope électronique. Et alors là, j'ai compris que c'était des champignons du fond de la mer. Et effectivement, ces champignons, ces petites éponges là, ce sont des fructifications avec des parois très très épaisses pour les protéger justement, bien plus épaisses que les champignons terrestres. Et les spores de ces champignons ont une sorte de pelote tout le long. Ce sont des spores assez longues, il y a une pelote là tout le long. Un filament qui, lorsque la spore est libérée dans l'eau, le filament se déploie. Ce filament, il fait 1 micron, 2 microns sur 1 mètre de long. Et en fait, ça leur permet de s'accrocher à des petits bouts de bois, des petits trucs, pour être transportés, pour aller dégrader autre chose, quoi. Et donc, ça on n'a jamais vu ça sur les champignons terrestres. C'est vraiment un moyen de déplacement de ce champignon. Et le deuxième, qui était lui noir avec un très long col, je l'ai décrit parce qu'il n'était pas connu. Et donc je lui ai donné un joli nom, il s'appelle Alizea, inspiré du nom du bateau de la campagne océanographique, et Longicola parce qu'il a un long col. Alors on en trouve surtout à ces profondeurs, parce que les fosses, elles sont parfois à 1500 mètres, 3000 mètres, et on en trouve encore. Et en fait, ils sont vivants, on voit bien, hein, parce que mes petites éponges, là, il y en a de toutes les couleurs, les marrons foncés sont les plus vieilles, et il y en a des toutes petites, des petits bébés, quoi. Hein. Donc ça vit au fond de la mer. Alors évidemment, ils doivent avoir un développement très, très lent, mais ça vit au fond de la mer, et c'est vraiment extraordinaire. Les champignons sont partout, quel que soit le climat. Partout, quel que soit le climat. Absolument partout, y compris dans les fonds océaniques, puisque je crois que vous avez vu Joël Dupont au Muséum qui a décrit des champignons dans des fosses océaniques. Les champignons sont absolument partout, y compris dans l'air que nous respirons, puisqu'on sait qu'il y a environ 20 000 spores de champignons par mètre cube d'air. Donc partout où nous soyons, dans nos appartements, absolument partout, il y a des champignons partout. Donc l'air qu'on respire, on en a aussi dans en notre nous. Organisme, sur notre peau, on connaît tous les mycoses, on connaît tous les mycoses qui s'installent quand on a des petits bêches de régime militaire. On en a absolument partout dans nos cheveux, sous nos ongles, sur nos ongles. Les champignons sont absolument partout. Ils ont colonisé absolument tous les milieux. Il y a des champignons extrêmement destructeurs qui poussent dans nos habitations, dont la mérule, vous en avez peut-être déjà entendu parler, qu'on appelle la lèpre des maisons, voilà, qui peut vraiment réduire des habitats, des planchers, faire effondrer des planchers en très peu de temps. Par exemple, dans une maison, où est-ce qu'on trouve des champignons ? Comme il y a 20 000 spores par mètre cube d'air en moyenne, y compris dans les appartements urbains. Hein. Donc il y a des spores partout, partout, partout, partout. Il suffit dans la poussière que vous ramassez régulièrement, il y a des spores de champignons, donc des champignons. Si vous ouvrez votre frigo, vous en avez sur vos fromages. La croûte de votre camembert, c'est un pénicillium. Le bleu de votre roquefort est un pénicillium. Vous en avez dans la bière, dans le fromage, dans le pain. Ils attendent qu'une chose, c'est d'avoir un milieu propice à leur développement. Il suffit de leur fournir ce milieu par une humidité un peu plus élevée pour qu'ils se développent. Oui, Maurice, t'aurais pu venir arroser dans la semaine. On croirait, à regarder les branches des arbres de nos campagnes, qu'il est assez facile de se repérer dans le monde des lichens. Erreur fatale. On peut passer à côté d'eux sans même les voir, tant ils semblent faire partie intégrante de notre paysage. Car ils sont partout. Ils peuvent s'installer dans des lieux insolites, comme les cimetières. 78% des cimetières suisses en hébergent au moins une espèce. Certains lichénologues britanniques vont d'ailleurs jusqu'à étudier les pierres tombales qui les abritent, classant les lichens d'après la nature de la pierre, acide ou basique. Lichen, c'est ma végétation poétique, ma verdure cérébrale, ma chlorophylle intérieure, ma pluviose communautaire, mon humus amical. Et puis j'ai la femme qui vient, tiens, viens voir, il y en a plein, en plein soleil, où j'ai pas arrosé du tout, il y en a d'autres qui sortent. Joël Bousty, vous êtes professeur de pharmacognosie et mycologie à l'université Rennes 1. Et nous sommes là devant une roche, avec sur cette roche du lichen. Est-ce que vous pourriez déjà nous décrire ce qu'on voit ? Des couleurs qui correspondent à des lichens différents, parce qu'il y a des molécules qui sont différentes dedans. Ces lichens sur des roches, on les appelle des lichens crustacés, ce qui veut dire incrustés. Ça forme ce qu'on appelle un tal, c'est une sorte de lame qui ressemble à une feuille, qui épouse très fortement les contours de la roche. Et d'ailleurs, c'est l'étymologie du mot lichen vient de lichen, ça veut dire lécher. Et ça lèche la roche, ça l'épouse au niveau de la forme, comme une sorte de dartre, ainsi de suite. Donc voilà ce qu'est le mot lichen, mais... Quand on regarde des lichens, on voit ces couleurs, on n'y prête pas toujours attention, surtout que si on y regarde de plus près, il y en a quelques-uns qui ont la même couleur que la roche. Et en réalité, là, on a l'impression qu'il y en a un, peut-être deux en regardant bien, et puis finalement, il y en a sans doute une dizaine, au moins. Et ces lichens, personne ne va penser comme ça du premier coup d'œil que ça s'apparente surtout à des champignons. À peu près 90% de la feuille qui représente ce lichen, c'est constitué par des filaments d'un champignon. Qu'on classe très bien dans la classification des champignons. Mais c'est un champignon très particulier. Les champignons, c'est un peu comme nous, ils ne sont pas capables de faire de la photosynthèse comme les plantes. Ils ne sont pas autonomes vis-à-vis de la nourriture. Donc ils sont obligés de s'allier à des partenaires qui leur donnent une nourriture un petit peu élaborée, des sucres par exemple. Et c'est ce qu'on a en forêt avec les champignons qu'on ramasse. La plupart sont des champignons qui sont mycorhiziens, c'est-à-dire qui sont associés aux racines de l'arbre qui donnent une partie des sucres qu'ils fabriquent pour que le champignon puisse vivre. Et en échange, eh bien, ce champignon va lui donner de l'eau, des sels minéraux, ainsi de suite. Donc ça, c'est les champignons tels qu'on les connaît. Et ce qu'on voit du champignon, c'est que l'organe de reproduction sexuée du champignon, le vrai champignon, en quelque sorte, c'est les filaments qui sont dans le sol. Bien, ces filaments peuvent s'organiser différemment, former ces masses qui sont un petit peu foliacées, mais il y a vraiment des formes très différentes, s'ils sont associés à un autre partenaire que l'arbre, par exemple. Et cet autre partenaire, eh bien, c'est une micro-algue, par exemple, ou une cyanobactérie, qui est à l'intérieur, qui est en quelque sorte prisonnière, mais les deux s'entendent très bien, et ça structure une forme et un métabolisme qui est tout à fait différent. Les lichens, c'est autonome parce que le système de nourriture est intégré, associé aux champignons. On pourrait dire que le lichen est composé par exemple de deux corps différents, une algue et un champignon. Au début, on n'a pas reconnu les lichens. On les a confondus longtemps avec des mousses, par exemple, avec des plantes. C'est que vers la fin du 19e siècle qu'on a vu qu'effectivement, il y avait ce qu'on appelait une symbiose après entre une micro-algue et un champignon. La vraie nature symbiotique du lichen, c'est 1867, avec des travaux d'un Suisse, Schwenderer, et puis d'un Français, Bonnier, qui ont bien montré que l'association d'une algue et du champignon donnait une structuration, une forme qui était différente. Joël Bousty, il y a un scientifique du 19e siècle qui s'appelle James Crombie, qui a décrit le principe de symbiose comme une relation de maître à esclave. Vous en pensez quoi ? Ah ben ça, c'est toujours une interprétation que l'on fait. On a toujours une vision un peu anthropomorphe, autocentrée des choses. Alors le parasitisme, la symbiose, tout ça, c'est une question de point de vue surtout. Et il y a certains parasitismes qui s'avèrent finalement plutôt être bénéfiques. Là, on peut considérer que le lichen, c'est lui qui assure la structuration, la maison, et que la nourriture est apportée par l'algue. Et comme l'algue, la pauvre, n'a pas droit à la reproduction sexuée, on peut considérer que seul le champignon dans le lichen est avantagé, et donc c'est lui le maître. Alors, en surface aussi, c'est lui le plus important, et ainsi de suite. Mais ça, c'est une vision un petit peu anthropomorphe. Certains prennent un autre terme qui s'appelle l'élotisme, c'est-à-dire une relation qu'on arrive moins à hiérarchiser ici entre des organismes. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on étudie le lichen en dehors du fait qu'on a envie de comprendre comment ça marche, le nombre de peut-être d'espèces qu'il y a? Est-ce qu'il y a des objectifs scientifiques qui sont associés à l'étude du lichen? Beaucoup d'objectifs et il y a encore énormément à découvrir. Déjà, rien que le fait qu'il y ait cette association, comment ça fonctionne, c'est très informatif. Ensuite, au niveau écologie, c'est une espèce pionnière qui s'installent sur des supports qui permettront ensuite le développement d'autres de plantules, ainsi de suite. C'est des espèces qui sont sensibles à la pollution et qui vont au cours du temps aussi changer. On peut en géologie faire des datations parce que comme ils croissent très lentement, eh bien on peut avoir des échelles de temps qui sont très longues. Si on a une dimension de lichen qui a une certaine taille, forcément il est là depuis un certain temps. Et aussi, bien sûr, ça c'est notre axe de recherche ici à Rennes en particulier, eh bien c'est regarder les métabolites lichéniques, qui sont ces composés qui sont dans le lichen et qui ont des propriétés soit physico-chimiques, à filtrer les UV par exemple, avoir des couleurs, ou des propriétés biologiques et éventuellement des propriétés thérapeutiques. Inhiber la croissance de tumeurs. Et on essaye, c'est avec une démarche dite d'écologie chimique, d'intuiter ces fonctions, ces propriétés des molécules, en regardant à quoi elles peuvent servir dans le lichen. Et là, ça nous permet de cibler un peu nos recherches et d'avoir de meilleures chances de trouver ces véritables activités. Marc-André Selosse, vous travaillez précisément sur, en tout cas entre autres, sur la symbiose. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que c'est ? Le vivre ensemble, symbiosis en grec. Et c'est quelque chose qui est consubstantiel à tout le monde vivant. Le monde vivant est fait d'associations dans lesquelles, très souvent, les choses vivent ensemble sans qu'il y ait de problème. Mes champignons dans les feuilles, mes champignons dans les racines sont un exemple de symbiose. Cette symbiose, elle permet en fait aujourd'hui aux organismes de réaliser des fonctions qu'ils ne réalisent pas bien tout seuls. Et les champignons sont parmi les organismes souvent impliqués dans les symbioses. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez une plante ou un être humain, ces grosses structures sont à même d'abriter des champignons. Alors nous, c'est plutôt des levures, les plantes, c'est plutôt des filaments qui vont rentrer dans nos tissus. Mais effectivement, comme ils sont petits, ils se glissent partout, ils sont pratiques finalement embarqués. Et ça a donné dans l'évolution beaucoup d'opportunités qu'il contribue à des associations en bénéfice réciproque. Du coup, ce que vous dites me fait penser au titre de votre livre, Jamais seul. On aurait peut-être encore trop tendance à imaginer les organismes les uns à côté des autres sans réfléchir en termes d'interaction, de mutualisation, de communication. Et en effet, on n'est jamais seul. Ben oui, la notion même d'organisme renvoie à une façon de vouloir dans le vivant dessiner des entités autonomes. Alors, ces entités, pour le coup, c'est l'organisme de l'homme, c'est l'arbre, c'est le champignon, le mycélium. Et jusqu'à un certain point, ça marche. C'est une vision du monde qui, à partir du 19e siècle, a permis à la biologie de voir comment ça marchait. Mais aujourd'hui, on se rend compte de plus en plus que l'interaction est importante et qu'elle contribue au fonctionnement et qu'on arrive aux limites, finalement, de la recherche d'entités autonomes. Et aujourd'hui, c'est dans l'interaction qu'on voit des perspectives nouvelles de compréhension et aussi d'action sur le vivant. Ça veut dire qu'on prenne une plante, ou nous c'est pareil avec les microbes, les bactéries, les levures qui peuplent notre peau et notre tube digestif, qu'on prenne une plante, un animal ou n'importe quoi, cette chose ne réalise pas ses fonctions de façon autonome. Une partie de ses fonctions est réalisée avec l'aide d'autres organismes, si possible des petits embarqués, et là les microbes et notamment les champignons ont un plus, c'est comme ils sont ptios, on peut toujours les glisser quelque part. Les champignons sortent du bois, une série documentaire de Céline Duchesnet et Laurent Polleret. Aujourd'hui, champignons, vos papiers. Avec par ordre d'apparition Xavier Mauméjean, Joël Dupont, Alain Champagne, Guillaume Essartier, Bart Bouic, la société mycologique Ferréo-Pontaine, René Challenge et la société mycologique de France, Roland Sabatier, Joël Bousty et Marc-André Selosse. Lecture, Susanna Poveda. Prise de son, Alexandre Abergel, Éric Audra, Lucien Lefebvre, Yves Lehors et Élise Le. Mixage, Alain Joubert. LSD, pour aujourd'hui, c'est terminé. Bibliographie, lien, ou pour nous réécouter dans les bois, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Bonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur l'application Radio France et la plupart des plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram.